5. Grand-mère, je vous en supplie, venez les voir s'en aller. Anatolie, exubérante et malicieuse, guettait à travers les rideaux la sortie des tantes et les imaginait, les devinait. Les voilà, venez vite. Madame de Berville se leva lentement de son fauteuil. Elle n'avait pas envie de bouger. L'idée de quitter sa maison l'accablait et lui faisait aimer plus que jamais l'immobilité. Mais Anatolie l'appelait si gaiement. Elle eut le spectacle des tantes et le commentaire d'Anatolie. Oh, elle rage, tante Henriette surtout, parce que tante Pauline, je crois, qu'elle s'en moque. Et je parie que tante Henriette dit à tante Pauline, tu ne m'as guère soutenue. Tante Pauline, prends le ciel à témoin. Et moi, je me figure qu'elle m'arrange bien. Tante Henriette, parce que tante Pauline, au fond, mais tante Henriette, je l'entends, cette petite, elle dit ça avec ses dents, et elle croit que ça lui donne un chic anglais. Elle riait. Puis elle se souvint de Paulin, qui attendait. « Voulez-vous que je l'appelle, grand-mère ? Ou bien si nous allions le retrouver dans le jardin ? Allons !» Le jardin rayonnait de lumière jolie. La lumière des premiers jours du printemps est une qualité particulière. Neuve et n'ayant traîné nulle part, elle offre sa belle innocence. La lumière de l'été, hélas, tout alourdie de chaleur, et l'on dirait qu'elle porte la fatigue d'une allégresse qui a trop duré. La lumière du printemps qui prélude ne s'est pas réjouie encore de sa splendeur. Elle fleurit sans le savoir, elle sourit ingénument. Le jardin n'avait pas ses feuilles. À peine quelques pousses hâtives commençaient-elles à verdoyer. De place en place, dans les branches, il n'y avait pas de fleurs. Il n'y avait pas d'autre fleur que la lumière, comme un grand lys épanoui qui emplissait tout le jardin de sa blancheur non dessinée, éparpillée, impalpable et vive. Paulin se promenait dans les allées. Et il tournait le dos, il était un peu loin, quand arrivèrent la grand-mère et sa petite-fille. Il ne les vit pas. Il marchait à pas lents, son chapeau à la main, la tête levée, et remuant de droite et de gauche la tête, comme s'il avait plaisir à sentir sur son front l'air frais et lumineux. De ses bras, il faisait de petits gestes, comme s'il récitait à lui-même quelque chose de poétique et précieux. « Il est drôle, » dit Anatolie. « Tu n'auras pas froid ?» lui demanda sa grand-mère. Anatolie appela. « Paulin !» Il se dépêcha sans courir. Il avait soin d'être correct. Il était grand, un peu dégingandé. Son visage, ni beau ni laid, trop nerveux, à tout ce qu'il disait ou songeait sans le dire, donnait trop d'expression, de sorte que, même timide et ne parlant guère, Paulin paraissait plus bavard que personne. S'il parlait, son visage jouait des comédies et des drames. Or, il avait ce matin-là beaucoup à dire, et tant à dire qu'il en était un peu confus. Son visage se mit à parler avant lui. « Assieds-toi, » fit Madame de Berville, « et raconte-nous. Quelle nouvelle sottise as-tu faite ?» Anatolie riait. « Madame Romain, épousez-moi, je t'en prie. Tu sais que si tu te lances, je ne te suis pas. » Il raconta l'incident, et il affirmait avec bonne foi l'étonnement qu'il en gardait. « Car enfin, ce que je disais, au lieu de travailler. » « Ça, c'est vrai, Madame Romain. Seulement, ce que je disais était en faveur des patrons. » Si bien que les camarades me faisaient un mauvais parti. Et c'est le patron qui me renvoie. Il y a un malentendu. Ne t'inquiète pas, Paulin, dit Anatolie. On va te reprendre. J'ai arrangé un petit stratagème. On va te reprendre, je t'en réponds. Mais je n'y tiens pas, mademoiselle Anatolie. J'ai mes projets. Quand je vous dis qu'il y a un malentendu, ce n'est pas seulement, à mon avis, entre M. René et moi. C'est plus général que ça. Le mal est plus grand. Il est dans la vie. J'en suis sûr, j'y ai bien songé. Tout le monde en souffre, et l'univers en est malade. « Alors quoi ?» demanda Madame de Berville. « Tu t'es juré de guérir l'univers ?»« J'y tâcherai, Madame Romain. »« Oh, je sais bien que vous vous dites, il est fou. »« Dame, j'en ai peur. »« Il est fou et il se met sur les bras, une besogne pour laquelle il faudrait de fameux bras. »« Dame, oui. »« Non, Madame Romain, non. C'est si peu de choses. Il n'y a qu'un malentendu, je vous assure. En deux mots, te voilà sans place, et avec les idées les plus folles dans la tête. » « J'en suis très fâché, Paulin, très inquiète. Si nous te faisons reprendre à l'usine, la petite et moi, tu y rentreras, j'y tiens. Et tu travailleras comme un bon ouvrier, je le veux. Mais j'ai un peu froid, je vous laisse. Petite à 10h30, tu as ton professeur, ne l'oublie pas. » Madame de Berville se retira. Qu'il l'aurait vu monter le perron, si lente, si débile, eût senti qu'un poids de lourde souffrance la retardait. Cependant, elle se hâtait. Afin d'être seule et de ranger dans sa pensée des intentions, des scrupules, des craintes, tout un désordre où sa tranquillité se perdait. Mais Anatolie négligea de la regarder. Anatolie était toute livrée aux nouveautés, que que les surprenantes paroles de Paulin lui découvraient. « Va, Paulin, dis-moi, le malentendu. Mademoiselle Anatolie, je vais vous le dire, et quand je vous l'aurai dit, vous verrez. C'est clair comme le jour, clair comme ce beau jour de printemps. En vous promenant, je suppose, à Castillac, dans les rues, avez-vous remarqué ? Les gens n'ont pas l'air contents. Aucun n'a l'air content. Et pourtant, la vie est faite pour qu'on soit heureux. Tout sur terre est heureux, excepté les gens. Parce qu'ils sont pauvres, il ne faut pas tant d'argent pour être heureux. Il suffit de vivre. Et la vie ne coûte pas si cher. Non, ce n'est pas pour ça qu'ils ont ces mines si renfrognées. Croyez-moi, ce n'est pas pour ça. Pourquoi, Paulin ? C'est parce qu'ils ne sont pas libres. » Et Paulin donnait à sa découverte un bel accent. Il continua. « Suivez-moi bien. Et pourquoi ne sont-ils pas libres ? Parce que la vie humaine est organisée comme un esclavage. Il n'y a pas un homme sur terre, si haut qu'on l'imagine, ou si bas, qui ne soit commandé et qui ne commande. Voyez la chaîne que ça fait. Une chaîne de commandement qui descend et qui monte. Une lourde chaîne. » Anatolie était déçue. Elle attendait mieux. Paulin reprit. « La terre est assez grande pour tout le monde. » Et ces mots soudain chantèrent dans l'âme d'Anatolie. Elle vit en imagination le planisphère et ses voyages. La terre est grande et toute pleine de divertissements. Les hommes ne s'y promènent pas. Ils ont ce jardin magnifique et n'en profitent pas. Au lieu d'en profiter, ils s'enferment les uns les autres dans des petits coins et recoins, comme des prisonniers. Je ne vois que des prisonniers ici-bas. Et ne croyez pas que je veuille dire uniquement les ouvriers dans les usines. Monsieur René est-il plus libre que Mathieu, l'homme de peine ? Et les bourgeois, les retraités ? Non, tous des prisonniers. Dans les rues, dehors, chacun a son petit miroir, son espion, comme on dit. Et de chaque maison, des yeux surveillent les passants. Tout le monde surveille tout le monde. C'est que tout le monde, ayant commandé, veut savoir s'il est obéi. Puis tout le monde, étant commandé, veut savoir s'il ne pourrait pas risquer un peu d'hypocrisie. Le péché, c'est le commandement. Et voyez ces petites existences si confinées et rabougries, quand il y aurait si aisément sur la terre tant de plaisir. Anatolie était bouleversée. On lui changeait son univers. On lui ouvrait tout au large des portes sur des paysages nouveaux. D'ailleurs, elle ne saisissait pas tout le raisonnement de Paulin. Les mots qui la touchaient étaient que ceux qui éveillaient en elle ces velléités enfantines de remuement, d'amusement, tout le vague désir que ses contraintes empêchaient et que résumait confusément son vif amour de la géographie. Elle cédait à un charme aventureux, bizarre, et Paulin, qui avait l'instinct des orateurs, l'y abandonna quelque temps. Il se taisait, laissant le charme agir. « Alors, Paulin, que feras-tu ? Je répandrai mon évangile. » Ici, Paulin fut imprudent. Ce mot d'évangile déroutait Anatolie, et voire la choquait. Si Paulin présentait un évangile contre l'évangile. « Ton évangile ? » ?»« Oui, reprit Paulin sans balancer. « Mon évangile, et le voici. » Je veux annoncer aux hommes la vérité, et la voici. En vérité, je vous le dis, laissez-vous tranquilles les uns les autres. Paulin. Anatolie se fut signée. Elle était blanche et inquiète. Elle dit, ce n'est pas ça dans l'évangile, mais aimez-vous les uns les autres. Paulin répondit, ce serait trop beau. Je ne voudrais pas vous scandaliser, mademoiselle Anatolie, mais l'évangile demande trop. Et contemplez le résultat. Les gens s'aiment-ils les uns les autres? Ça, on ne pouvait pas l'obtenir d'eux, je vous assure. Ce que je leur demande est plus facile. Et passez-moi le mot plus raisonnable. Mais tu corriges l'évangile, Paulin. Elle en était effarouchée. Paulin, qui corrigeait l'évangile, l'indignait, et cependant lui donnait envie de rire. Je le corrige, mademoiselle, parce que je vois que, tel quel, il ne donne pas son effet. Si les hommes étaient meilleurs, je leur dirais bien de s'aimer les uns les autres. Mais regardez, je vous en prie, ce qu'ils font du précepte de Jésus. Sous prétexte de s'aimer les uns les autres, regardez comment ils se traitent les uns les autres. C'est grand pitié. Si Jésus revenait parmi les hommes, ils seraient épouvantés. Non, moi, je ne leur demande que de se laisser tranquille. Écoute, Paulin, tu me fais peur. Anatolie était tout alarmée d'un sentiment divers, où il entrait de la curiosité contente, avide encore, et de la crainte, à en frémir. Une crainte que son jeune courage aurait domptée si une sorte de pudeur ne l'eût détournée de la tentation. Pudeur des idées, vertu ravissante, et qui, un temps préserve l'âme, plus précieuse que le corps. Il lui sembla qu'elle entendait ce qu'elle ne devait pas entendre. Ainsi, dans les livres dont on lui permettait, avec un peu d'incertitude de la lecture en lui disant « Je ne sais pas si c'est tout à fait de ton âge », il y avait des pages où elle évitait de s'attarder. Elle dit à Paulin « C'est assez pour aujourd'hui, va-t'en Paulin, tu reviendras un autre jour, et nous parlerons d'autre chose. » Et Paulin fut très malheureux. pour la seconde fois de la matinée, son évangile indisposait, au lieu de les persuader, les premières ouailles qu'il avait choisies. Pourtant, il ne doutait pas de la vérité qu'il possédait, et brûlait de répandre. Elle était, à ses yeux, crédule, l'évidence qu'il faut qu'on voie. Seulement, on refusait de voir. Il en éprouvait un vif étonnement très douloureux. Puis n'avait-il pas enfoncé Anatolie ? Elle le congédiait sans dureté, mais avec une hâte qui prouvait assez son déplaisir. Il fallut à Paulin son orgueil pour résister à la détresse où il fut un instant. Mais il était apôtre et goûtait dans l'amertume du cœur des délices, dans la solitude où on l'abandonnait un réconfort d'énergie. Il dit « Eh bien, mademoiselle Anatolie, adieu. J'ai péché contre mes principes. Je ne vous ai pas laissé tranquille. Pardonnez-moi. » Elle se sauva en lui disant au revoir, très gentiment, mais un peu vite. Quand elle fut dans sa chambre, elle s'agenouilla. Elle récita un autre père et un « Je vous salue Marie ». Vers la fin de la matinée, elle était dans la salle d'études, aux prises avec son professeur d'histoire, et dévidait avec ennui les dynasties égyptiennes. Et elle eut bien laissé tranquille Ramsès II, mais Taboum, dit Sésostris, si le pharaon lui avait rendu sa politesse. René arriva. Il avait à causer avec Madame de Berville. René arriva tel en apparence qu'un autre jour. S'il était en colère, cela ne se voyait pas. S'il était muni de ses astuces, cela, somme toute, ne le changeait pas. D'ailleurs, il ne dissimulait rien. Mais comme d'habitude, il ne montrait rien. Il souhaita le bonjour à sa mère, il la baisa au front. « Je ne vous demande pas de vos nouvelles, je sais que vous allez bien. »« Doucement, » fit Madame de Berville. « Vous allez bien, » reprit-il. « Non, » répliqua Madame de Berville. Leur causerie allait toujours de ce train. Madame de Berville le démentait par acquis de conscience, et non pour le convaincre. Elle gardait son idée, elle, la sienne, et tous deux continuaient ainsi. Du reste, il avait ce matin-là besoin que sa mère fût en bonne et parfaite santé. C'est ce qu'il décida. Henriette m'a rapporté la conversation qu'elle a eue avec vous, et contre mon gré, avec Anatolie. Qu'on ait consulté ces deux gamines sur des projets qui intéressent l'avenir de l'usine, et ma situation, la situation de la famille, c'est une inconvenance. Non, répondit Madame de Berville. Ce n'est pas à cette gamine que je m'adresse. Entendez-moi bien, c'est à vous. Et voici ce que j'ai à vous dire. Je ne reprendrai pas à mon service l'ouvrier que j'ai mis à la porte. Qu'a-t-il fait ? Peu importe, je l'ai chassé. Or, si le syndicat réclamait sa réintégration, je la refuserais. Non, ce n'est pas pour l'accorder à une gamine qui se mêle de ce qui n'est pas son affaire. Maintenant, vous me refusez la maison, c'est bien. Je n'insiste pas, je n'insiste jamais. Rendez-moi cette justice. Il est incontestable que la maison vous appartient et que vous avez le droit de la conserver. C'est un point acquis. Seulement, voilà tout. Non, tu allais dire. Seulement, oui, c'est une autre question. Mais au temps haut, pendant que nous y sommes, tout liquidé. Votre fortune en partie et la dot d'Anatolie, en totalité, sont jusqu'à ce jour placées dans le capital de l'usine, un taux de 5%. Ces conventions datent de loin, et au prix où est descendu l'argent, elles me deviennent onéreuses. L'incertitude croissante des affaires m'engage à l'économie. Il faut que, de plus en plus, j'augmente mes fonds de réserve et sois en mesure de parer à tout événement, grève des ouvriers, lock-out des patrons, guerre civile ou étrangère. D'autre part, l'usine est assez manifestement prospère, et les placements sûrs sont assez rares pour que je puisse, sans nulle difficulté, trouver à 3,5 ou 4 les capitaux dont j'ai besoin. En conséquence, je ne vous offre pas de diminuer le taux que je vous sers. Je préfère ne pas conserver plus longtemps cette responsabilité et cette charge. Notez que vos conventions ont été faites il y a 15 ans, pour une première période de 10 ans, et continuées comme il était prévu dans le contrat, par la tacite reconduction, étant admis que la durée de la reconduction dépendait de vous, bien entendu, et de moi, de toi et d'Antoine. Oui, mais Antoine est de mon avis, ça va sans dire. Lui en as-tu parlé ? Non, mais il est de mon avis tout de même. Donc je vous rends et votre argent et l'argent d'Anatolie. Mon argent, bien. Mais l'argent d'Anatolie, tu es le tuteur de l'enfant. C'est à toi de placer son capital. Je le placerai. Seulement, j'éviterai les risques. Je ne suis pas un financier. Je n'ai ni le temps ni le devoir de surveiller des valeurs excellentes, peut-être, et fructueuses, mais douteuses. Bref, je lui prendrai de la rente. C'est tout ce qu'on peut exiger de moi. Madame de Berville suivait avec une extrême attention les dires de René. Elle y perdra, si je compte bien, 2%. Pas tout à fait au prix où est la rente. Mais peu s'en faut. Pauvre petite, je n'y peux rien. Et René se tint à cette conclusion nette. Cependant, il ne s'en allait pas. Madame de Berville s'en aperçut, y songea, devina ce qu'il attendait qu'elle dît. et il fallait le dire, elle ne put s'y refuser. « Si je t'ai bien compris, parlons franc, n'est-ce pas? Les deux choses sont liées, dans ton esprit, la maison et l'argent. Si je ne te cède pas la maison, tu ne conserveras pas l'argent d'Anatolie, c'est bien ça ?»« Oui, très exactement. » Madame de Berville lui jeta un regard assez triste et méprisant pour qu'il voulût se disculper. Il dit « Que voulez-vous ? Si l'on ne m'accorde pas le moyen d'être à l'usine, toujours à l'usine, à deux pas de mes ouvriers, ici même, de manière à redoubler de vigilance et d'activité, je suis obligé de prendre mes précautions, autrement non. » « Parlons franc, reprit Madame de Berville, ce n'est pas parce que tu demeurerais ici plutôt qu'à 5 minutes d'ici que les ressources de l'usine en seraient augmentées. Augmentées, non, peut-être, mais assurées. Non, et tu nous poses une condition très dure pour nous obliger. » René se leva, très satisfait qu'on l'eût compris. « Eh bien, dit-il, c'est ça. Et mettons que je réponde à un caprice par un caprice. Mais mon caprice, je le tiens ferme, croyez-moi. » « Tu auras ma réponse ce soir, dit Madame de Berville. » René partit comme il était arrivé, sans éclat visible ou de tendresse, ou de victoire, ou de vergogne. Madame de Berville était accoutumée à René. Elle ne comptait pas qu'il fût jamais distrait du seul objet qu'il eut dans la vie, le soin de sa volonté. Cette fois pourtant, elle se demanda s'il n'avait pas hardiment dépassé les limites de la dureté acceptable et de la ruse permise. Elle fut inquiète et elle examina le stratagème de René, comme elle eût fait pour une faute d'elle, selon l'usage chrétien, et qu'elle appliquait, soucieuse à la conscience de son fils. Au bout du compte, René avait tort. Il agissait mal et vilainement. Mais son tort, à l'analyse, s'évanouissait. Du moins, on n'y découvrait pas une illégalité. Ce qu'il faisait, René avait le droit de le faire. Il n'y avait pas un point où on le vit sortir de son droit strict et rigoureux, scrupuleux même. Ce qu'il faisait, aucun article d'un code ne l'interdisait. Et avec ses procédés affreux, il était, au sens précis du mot, ce qu'on appelle un parfait honnête homme. Sa mère fut très satisfaite de le savoir, à n'en pas douter. Elle respira plus légèrement après qu'elle en eut le cœur net. En même temps, elle comprit mieux que jamais comment René l'impatientait depuis qu'il avait l'âge d'homme et comment elle ne pouvait pas avoir avec lui la moindre union du cœur et de la pensée. C'était à cause de cette impeccabilité qui lui apparaissait comme une rouerie et qui couvrait toutes les manigances. À Cassillac, on citait René de Berville pour son intégrité accomplie, et on le détestait. Sa mère comprenait et l'estime qu'on lui accordait, et il le fallait bien, le reste. Quand elle eut mis en repos sa conscience de René, elle s'abandonna sans défense à la mélancolie de quitter sa vieille maison, car elle avait dit à René qu'elle rendrait sa réponse le soir, et elle s'était réservée toute la journée pour réfléchir, cela sincèrement, et avec quelle vérité de chagrin. Mais dans l'intime secret de sa rêverie, elle ne doutait plus. René serait plus fort qu'elle, plus fort qu'une vieille dame et une petite fille, beaucoup plus fort, facilement. Elle souffrait, et il lui vint un étrange désir de souffrir davantage, comme si elle devait ainsi absorber d'un coup rapide et final toute la souffrance, afin que ce fût fait et achevé. Elle se leva, sortit du salon où elle avait reçu René. Puis, à petits pas menus, elle se mit à parcourir toute sa maison, du bas en haut, pièce à pièce, chacune des chambres, les corridors et les recoins nombreux, les détours qui sont bizarres dans les anciennes demeures, les greniers. Elle s'arrêtait de place en place. Elle regardait un tableau, une gravure, un Bélisaire qui tend son casque et mendie. Entre la vitre et l'image, elle apercevait de la poussière fine et qui par endroits se confondait avec les nuages du ciel, que l'artiste avait voulu très orageux. De la poussière, cependant, et qui s'était insinuée, l'on ne savait par où, dans le cadre bien fermé. De la poussière qui semblait née là et par l'œuvre unique du temps, faiseur de poussière. Tout cela est vieux, songeait la vieille dame, et elle participait à la vieillesse de tous les objets, qui, sans bouger comme elle, avaient reçu et portaient la charge des journées, leur lente accumulation. Il y avait, sous une cage de verre, collée aux arêtes par des bandes de papier d'or, une petite pendule en cuivre, signée de l'horloger du roi Louis XVI. Et auprès d'elle, posés là jadis, un chien, un chat, une vache et la vachère, le tout en mie de pain, travail de dessert où un grand-oncle avait montré la dextérité de ses doigts. L'on disait aux enfants, et depuis quand, de ne pas toucher à ces merveilles trop vieilles. Le seul contact de l'air suffirait à les anéantir, et elles tomberaient en poussière. Poussière, poussière. La vieille dame était, dans le pèlerinage de sa maison, vouée à des méditations de poussière. Memento in aeternum quia pulvis es, ah, qu'elle ne s'en souvenait que trop, et in pulverum reverteris, oui, elle et tout le reste. Chaque chose qu'elle approchait lui donnait une impression de fragilité, de sorte qu'elle aimait, plus encore, et jugeait plus précieux tout ce détail de son passé. Poussière toute prête à s'effondrer, poussière qui, en attendant, conservait sa beauté paradoxale et menacée. Tout en haut, sous les combles, il y avait le fruitier, avec ses claies de latte vermoulue, où l'on rangeait, à chaque automne, la provision des pommes et des poires. Et elle se souvint que la deuxième année de son mariage, elle avait fait une révolution dans les habitudes de la famille, en suppliant qu'on voulût bien, dès le début de la saison, renoncer à la rangée des poires oblettes et commencer aux poires mûres. Autrement, on les mangeait toutes mauvaises, à la queue leu-leu. Elle sourit au souvenir de cette bonne idée. Sans poire ni pomme, au printemps, le fruitier gardait son odeur. Elle ouvrit des placards qui étaient toujours clos. Et, là encore, elle reconnut des odeurs, ou de lavande, ou bien d'iris, ou des odeurs de bois et de résine, et surtout des odeurs de poussière, enfin des odeurs de passé, qui lui faisaient chavirer la mémoire. Elle avait beau se dire que tout ce qui était à elle, les meubles, les cartons pleins et le contenu des armoires, on le lui transporterait ailleurs. Elle se mit à s'attendrir alors sur ce qu'elle aurait à laisser, les murs et leurs papiers défraîchis, les carreaux des fenêtres, les uns bleutés, les autres verts bouteilles, et qui, dans leur transparence défectueuse, déformaient le paysage comme les ondes d'une eau égratignée agitent le reflet des rives. Une porte qu'elle poussa grinça, et ce n'était qu'un bruit des plus médiocres. Celui fut, ce jour-là, une étrange musique, et qui, dans le passé, n'éveillait rien de magnifique ou de charmant, mais éveillait tout le passé. Et ainsi tout lui devenait magique. Elle était dans une mansarde, et elle en touchait de ses doigts tremblants la tenture de papier bleu et gris, dont la couleur s'en allait en poussière, quand elle entendit qu'on l'appelait. « Grand-mère, où êtes-vous ? » La voix d'un atelier la bouleversa, et dans sa débile vieillesse lui revint sa puérilité. Elle fut effarée comme un enfant surpris, effarée à ne plus savoir ce qu'elle dirait pour son excuse. Elle ne répondit pas à l'appel de sa petite fille, mais Anatolie recommença. « Où êtes-vous, grand-mère ? » « Je descends. » Anatolie monta. Pendant qu'elle montait les deux étages, puis le dernier petit bout d'escalier, raide comme une échelle, qui menait aux mansardes, la pauvre vieille dame avait grand honte. Elle regardait ses doigts où le papier avait laissé de la couleur, sa robe qui avait pris de la poussière. Et elle imaginait avec embarras sa figure où le passé, trop réellement évoqué, avait laissé de la tristesse. Il lui sembla qu'elle s'était livrée à un accès de sensibilité blâmable, et pour ainsi dire à un accès de sensualité fautive, tant la touchait physiquement la déraisonnable tendresse qu'elle accordait à sa maison. Les âmes véritablement chrétiennes font avec vivacité la différence de la matière et de l'esprit. Elle se méfie de ce qui est matière et que l'esprit ne gouverne pas. Un émoi où le corps prédomine, les troubles comme le péché, les dégoûte un peu. La pauvre vieille dame eut rougi. Elle eut pleuré. Elle manqua de force. Elle entendait le parapluie de Anatolie. Elle s'assit au coin d'une malle basse qu'elle aperçut quand elle jeta autour d'elle un regard éperdu. Et elle attendit peu d'instants l'arrivée de sa petite fille. Prestement, elle épousseta sa jupe, joignit ses deux mains devant elle et prit une bonne tenue. Elle avait néanmoins l'air misérable et inquiet qu'on voit aux émigrants. « Eh bien, grand-mère, Anatolie n'allait-elle pas la gronder ?»« Je descendais. Pourquoi es-tu montée ?»« Mais qu'est-ce que vous faites ?»« Rien, j'ai voulu voir. Tiens, descendons. » Anatolie ne se contentait pas de ces réponses évasives et elle insistait. « Je voudrais bien savoir ce que vous êtes venu faire dans cette mansarde pleine de poussière et qui sent le renfermer. Êtes-vous triste ? On le dirait. Pourquoi êtes-vous triste ? Qu'y a-t-il ? Tant que parla cette petite fille, il n'y eut qu'à la laisser parler. » Madame de Berville descendait l'étroit escalier des combles. Elle marchait devant, ne voyait pas Anatolie et affectait d'avoir assez de mal à trouver les marches l'une après l'autre pour qu'il fût naturel qu'elle se tût. La gêne commença dans le grand escalier quand Anatolie se tint auprès d'elle, lui donna le bras, l'épia et à son tour se tut comme elle. Anatolie avait-elle compris sa peine, sa faiblesse et enfin tout le désordre de sa pensée? Or c'était l'heure du déjeuner. La grand-mère et sa petite fille prenaient leur repas l'une en face de l'autre. La grande table ronde en acajou ciré, qui avait assemblé jadis tout le cercle des enfants, mettait entre elles un large espace. Seul un réchaud de métal argenté, au bord duquel apparaissait le cuivre, et qu'on n'allumait plus, ornait le milieu de la table. Anatolie, avec ses jeunes yeux, voyait Madame de Berville mieux qu'elle n'en était vue, et ce fut ce jour-là un supplice pour la grand-mère. Elle n'avait pas eu le temps de s'apaiser, elle soupçonnait son visage de la trahir. Les allées et venues du valet de chambre faisaient une précieuse diversion. Mais Anatolie profita d'un moment favorable. « Grand-mère, vous avez du chagrin ?» L'on apportait les côtelettes. et Madame de Berville put espérer qu'ainsi la terrible question se disperserait dans le court remue-ménage du service. Anatolie parla du beau temps, puis le valet de chambre à peine parti, elle interrompit sa phrase vaine et dit « N'est-ce pas que vous avez du chagrin ?»« Mais petite, on a toujours du chagrin quand on vit depuis 75 ans. Comment veux-tu » Anatolie répondit avec loisauté « Ah, c'est vrai. » Anatolie, elle, n'était pas triste, le moins du monde. Elle oubliait à peu près ce qui, dans les paroles de Paulin, l'avait froissée. Elle en gardait seulement un souvenir qui lui ensorcelait l'imagination. Elle songeait à une vie libre et aventureuse, et à toute la terre qu'il faudrait visiter, et aux Bermudes et à la Barbade. Invinciblement, elle rapportait à l'esclavage universel, dénoncé par Paulin, la mélancolie de sa grand-mère. Et ce fut, avec plus d'entrain que de timidité, ce fut en conséquence d'une logique impérieuse qu'elle lança cet invite surprenant. « Grand-mère, nous devrions voyager. » Dans la famille de Berville, on n'avait jamais voyagé. Les Rodet, au moment de leur mariage, étaient allés passer 8 jours à Venise. On parlait peu de cette escapade, une idée de la jeune Henriette, et qui avait paru très romanesque, voire assez excentrique. Les entreprises coloniales de Darben avaient été blâmées, et puis Darben n'était pas de la famille. « Bah, pauvre petite, voyager, pas avec moi. Mes voyages sont faits, tu voyageras plus tard. » Les mots qu'on prononce dans la plus tendre intimité familiale sont peu de choses, au prix du dialogue muet qui échange des pensées et qu'elle n'avoue pas. Les mots sont comme un alibi qu'on cherche ou comme un déguisement sous lequel on se cache. Mais à la faveur de cette ingénieuse précaution, les pensées font un dur travail de vérité. Anatolie tout bas épiloguait sur le chagrin de sa grand-mère et concluait « C'est le chagrin de quitter sa maison. » Madame de Berville, dans le silence que les propos futiles n'atteignaient pas, interrogeait Anatolie et lui demandait si elle quitterait volontiers sa maison. Ces uniques problèmes les occupaient l'une et l'autre, et elle n'en disait rien à haute voix. Si Anatolie eût éprouvé, à l'éventualité de ce départ, un peu de peine, Madame de Berville trouvait là tout l'encouragement qu'il lui fallait pour refuser le sacrifice, et elle épiait Anatolie passionnément. Avec peu d'espoir, avec beaucoup d'angoisse, Anatolie avait éconduit les tantes, oui, pour les taquiner. Encore avait-elle admis un arrangement, et cet arrangement, René le repoussait, de sorte qu'Anatolie butait et conduirait René après Henriette. Oui, taquinerie encore et petite querelle. En écartant tout cela, Madame de Berville découvrait dans l'âme d'Anatolie un immense désir d'aller ailleurs, et ne sut-elle pas où, ailleurs qu'ici, entre ses murs, trop vieux pour elle et tout chargé de souvenirs qui n'étaient pas les siens. Cette mansarde qui, sans le renfermer, avait-elle dit à la minute où sa grand-mère croyait défaillir d'amitié pour cette odeur de passé mort. Puis l'offre de voyager, l'offre absurde, et que seule avait suscité la tentation d'être loin de ses murs et de leur vieillerie. Puis cette gaieté qui animait cette petite enfant, et qui effaçait en elle jusqu'à la colère de sa matinée. Enfin, la discrétion même qu'elle s'imposait. Tout en elle était le signe de la vérité que Madame de Berville devinait et voyait trop clairement. D'ailleurs, Madame de Berville n'hésitait plus, ou bien elle était à cette extrémité de l'hésitation où il n'y a plus qu'à se retourner, peut-être avec regret, vers le chemin qu'on a parcouru. Mais la morne certitude, on la possède. Quoi ? Voudrait-elle que la fortune d'Anatolie, ses revenus au moins, qui augmentaient son capital, fût-ce diminuée ? Surtout si proche de mourir, voulait-elle laisser Anatolie brouiller avec son tuteur et avec toute la famille, appui dernier de son adolescence ? Ces raisons-là étaient les seules que les mots auraient pu rendre. Et l'autre raison, la vraie et décisive, ce fut une réponse qu'Anatolie ne prononça point, de même que la question n'avait pas eu besoin de voix pour être posée. Ce fut le dialogue muet de ces deux hommes, l'une qui demandait « Quitterais-tu cette maison sans peine ?» l'autre qui avouait « Avec joie ». Alors Madame de Berville dit tout haut « Nous allons déménager, petite. » « Ah, fit Anatolie, vraiment ?» Elle ajouta par un souci d'être gentille « Vous ne regretterez pas votre maison ?» « Et toi ?» répondit Madame de Berville. Mais alors, elle fondit en larmes.